Une autre émission de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, de la musique assez tranquille. Hier soir, j'ai été une soirée grindcore au Bar Octobre, donc j'ai les oreilles légèrement démolies. Je vous ai trouvé de la musique qui réchauffe le cœur, peut-être un petit peu tristounette par moment. On va entendre un peu de folk, folktronica, des trucs un peu blues sur les bars. Donc, c'est ça, une petite émission tranquille ce soir. On va débuter tout de suite avec un artiste qui vient de Copenhague au Danemark. Il s'agit de plutôt un groupe qui s'appelle My Booba and Me. La pièce s'appelle Satisfied Mind. Ça, c'est publié sur Beep Beep Backup the Truck. Ensuite de ça, de la ville de Berlin en Allemagne, on va entendre Frucht der Sonne, la pièce Das Konstock. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, ben c'est ça. On débute Web Music avec My Booba and Me. Thank you. Tag werden wir älter, werden gepresst und durchgeschüttelt, müssen aufpassen, dass wir nicht zerfallen, kriegen blaue Flecken oder stumpfen ab, ruhen uns zu wenig aus. Manche Mütter bekommen gute Jobs. Nicht vergessen, wie man nicht werden will. Am besten, man schreibt sich's auf. Diese Welt ist ein Gefängnis. Und wenn du das vergisst, bist du ganz schnell. Was ich Waffe der Verweigerung. Sie ist irgendwie abhandengekommen. Und du setzt dich an den Tisch, der alle überfährt. Und ich bleibe stehen und schreie und werd hoffentlich alt dabei. Directement de la ville de Berlin, c'était Frucht der Zorn, la pièce Das Konstrukt. Donc, avant ça, c'était My Booba and Me, un groupe qui vient de Copenhague. C'était la pièce Satisfied Mind, qui était publiée sur Beep Beep Backup the Truck. Pour poursuivre Web Musique, on va se diriger... Ah, mon Dieu, j'ai aucune idée. Le prochain groupe ou artiste s'appelle General Union. J'ai pas plus d'informations que ça. Ils n'ont pas vraiment de présence sur Internet. J'ai réussi à trouver leurs pièces sur le site Jamendo. La plupart des pièces que vous entendez en ce moment, ben, c'est des pièces que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, c'est ça, j'ai téléchargé ça sur Jamendo, le groupe où l'artiste s'appelle General Union. La pièce s'appelle Shuffling the Elephant. Ensuite de ça, ben, de la ville de Paris, c'est The Dada Weatherman, la pièce Black Wind. C'est un peu de blues, c'est vraiment bon. Donc, ben, pour tout de suite, General Union. Thank you. mystery, like the breeze on the sea. Feels the sail of bones. We can't help it. Each word smell of flavor. Qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Musique, l'émission qui vous permet de télécharger toutes les pièces que vous entendez. C'est assez simple. Vous vous rendez sur le site de l'émission, puis vous avez accès à toute cette bonne musique. Vous pouvez la télécharger gratuitement et légalement. Aussi, ben, si vous avez manqué le début de l'émission, c'est disponible en balado-diffusion. D'habitude, je réussis à mettre ça en ligne dans les environs de minuit, 1h du matin. Donc, c'est disponible dès votre lundi matin. Puis, ben, c'est ça, vous avez accès, vous pouvez l'écouter quand bon vous semble. On va poursuivre avec un groupe français du nom de Fresh Body Shop. La pièce s'appelle Shell. Ensuite, de l'Espagne, une pièce vraiment intéressante. L'artiste s'appelle Xera. La pièce s'appelle L'Andurina. Donc, je crois que ça vient de la Catalogne en Espagne. Vraiment excellent. Donc, ben, pour tout de suite, c'est Fresh Body Shop.

Du lundi au vendredi, réveillez-vous avec le 89.1. Actualité, société, culture. 2h30 de plaisir. Avant 9h, tout est possible. Avec Raymond Poirier et son équipe, dès 7h. C'est quand même 89.1. Cultive tes goûts. CKRL. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Il reste encore une bonne demi-heure à l'émission. On a encore beaucoup de bonne musique. On va débuter avec groupe péruvien. C'est tiré d'un album vraiment excellent que j'ai trouvé aujourd'hui. C'est en téléchargement sur Jamendo. C'est la compilation Psychedelic Cumbias from Peru. Donc, de la musique, une compilation de musique péruvienne, psychédélique, vraiment intéressante. J'adore l'album. Donc, le premier groupe s'appelle Juaneco y su Combo. C'est leur pièce Yace a Muerto mi Abuelo. Pièce vraiment excellente. Ensuite de ça, on va entendre de Saint-Pétersbourg en Russie, Zmitser von Holzmann. C'est publié sur Zimmer Records. La pièce s'appelle Ch-ch-ch. Vous allez voir, ça aussi, c'est très bon. Donc, pour tout de suite, Juaneco y su Combo. Thank you. C'était Smitser von Holzmann avec sa pièce Tch-tch-tch. C'était d'un artiste de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Je vous invite à télécharger son album qui est publié sur Zimmer Records. Vraiment bon. Un album assez subtil, très minimal. Donc, je vous invite à le télécharger. C'est vraiment bon. Avant ça, ben, du Pérou, c'était Juaneco Isu Combo. C'était la pièce Yasea Muerto Mi Abuelo. C'était tiré de la compilation psychédélique Cumbias from Peru. Pour poursuivre Web Music, ben, on va faire un tour du côté de l'Italie. Le groupe s'appelle Chromosome. Je vous fais passer la pièce Sphere. Ensuite de ça, publié sur Panorama Memory. C'est un artiste de la ville de Londres du nom de David Niari. Je vous fais passer sa pièce sonore. Donc, ben, c'est ça. On écoute Chromosome à Web Music. Thank you. C'était David Niari avec sa pièce sonore. Donc, pièce vraiment excellente. C'était publié sur Panorama Memory. Avant ça, ben, c'était de l'Italie, Chromosome, la pièce Sphere. Donc, vraiment intéressant. La plupart des artistes que vous avez entendus ce soir, c'est une sélection que j'ai trouvée sur Jamendo. Donc, ça veut dire que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous avez juste à vous rendre sur le site de WebMusic pour avoir accès à tout ça. Vous pouvez y accéder via le site de CKRL dans la section programmation ou tout simplement vous rendre au www.webmusic.org et vous allez avoir accès à toute cette bonne musique. Pour poursuivre l'émission, on va entendre un artiste qui est publié sur Beat is Murder, un excellent net label. L'artiste s'appelle Liger, la pièce s'appelle Thanks and No Thanks, Liger qui vient de Vienne. Ensuite de tout ça, ben c'est ça, on va écouter ça tout de suite, puis je vous reviens tout de suite après. Thank you.